différent. Back in the days, par le passé, when I was younger, quand j'étais plus jeune, with my news paper, avec les gens. Merci d'écouter la plus normande des radios, les amis. Jeudi 27 décembre, il est tout pile 18h. Restez bien branchés, on fait un point avec l'actualité nationale et internationale. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Le Quai d'Orsay a réclamé fin juillet la restitution de deux passeports diplomatiques attribués à Alexandre Benalla dans le cadre de ses fonctions à l'Élysée, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Toute utilisation depuis lors de ces passeports aurait été faite en dépit des engagements pris par l'intéressé, a-t-elle ajouté. Et à la vue des informations de presse tendant à indiquer qu'Alexandre Benalla aurait continué à utiliser ces documents, le ministère examine les suites à donner, y compris judiciaires. La réaction du ministère des Affaires étrangères intervient alors que Mediapart a révélé qu'Alexandre Benalla aurait utilisé un passeport diplomatique pour voyager dans différents pays africains et en Israël. Alors que beaucoup avaient misé sur son essoufflement, le mouvement des Gilets jaunes a annoncé de nouvelles mobilisations ce week-end dans la nuit du Nouvel An et courant janvier, faute de réponse suffisante du gouvernement à leurs revendications. Selon plusieurs représentants de ce mouvement très divers, de nouvelles manifestations auront lieu samedi. Des rassemblements et blocages ont ainsi été annoncés évidemment à Paris, mais aussi dans les régions de Rennes, Marseille et Bordeaux. Le cannabis thérapeutique pourrait être bientôt testé en France. L'Agence du médicament souhaite une expérimentation avant la fin de l'année 2019, selon un communiqué publié aujourd'hui, deux semaines après l'avis positif d'un comité d'experts qu'elle avait mis sur pied. Ce comité avait jugé pertinent d'autoriser l'usage du cannabis à visée thérapeutique dans certaines situations cliniques et en cas de soulagement insuffisant ou d'une mauvaise tolérance des traitements existants. L'ANAC Krakatoa, située dans le détroit de la Sonde au large des îles de Java et Sumatra, menace d'entrer une deuxième fois en éruption. L'Indonésie a relevé ce matin le niveau d'alerte du volcan. Le niveau d'alerte est désormais élevé, soit le deuxième niveau le plus important. La zone interdite a été agrandie de 5 km et les habitants sont tenus de ne pas s'approcher des côtes de peur qu'une nouvelle vague ne frappe les îles de Java et de Sumatra. Les avions doivent quant à eux éviter la zone. Enfin, en préambule de la saison 2019 de tennis, la Hopman Cup va être l'occasion d'une rencontre d'anthologie entre la Suisse de Roger Federer et les États-Unis de Serena Williams à la PAC Arena de Perth en Australie à partir de samedi. Ce match sera un face-à-face inédit entre deux des plus grands champions de leur sport, cumulant à eux deux pas moins de 43 trophées en Grand Chelem. Sur la plus normande des radios, Matt. Nouvelle heure, nouveau son et nouveau tube à Val d'Oreille comme partout en Normandie. Voici Kungs et Stargate, c'est Be Right Here. Espace, plus de son, plus de tubes. When the lights go down and the stars come out, I'll be ready, I'll be ready. When the lights go down and the stars come out, I'll be ready, I'll be ready. I'll be here for you when it's dark out, on the water, and you can't breathe. I'll be here for you when it's past 3 in the morning, and you can't sleep. When your heart breaks, when you lose faith, yeah, I promise I'll be ready, I'll be ready, I'll be ready.

Garage Chevalreau, agent Peugeot, les Andelys, entretien, réparation, mécanique et carrosserie, peinture de votre véhicule, quelle que soit sa marque. Garage Chevalreau, c'est aussi le remplacement et la réparation des vitrages, quelle que soit votre assurance, car c'est vous qui choisissez votre réparateur. Réparateur agréé véhicule électrique et hybride, service entretien et recharge climatisation. Votre agent Peugeot, les Andelys, vente de véhicules neufs et d'occasion. Garage Chevalreau, agent Peugeot, les Andelys, 17 rue Henri Rémy, ouvert du mardi au vendredi, de 8h à midi et de 13h30 à 18h. Le samedi, de 8h à 13h. Pour toute information et pour tout rendez-vous, 02 32 64 36 36. Garage Chevalreau, agent Peugeot, les Andelys, vous souhaite une bonne route. Le France Bernet, votre club référence en Normandie. Retrouvez tous les week-ends deux salles, deux ambiances. La première généraliste, la seconde année 70-80 pour des soirées souvenirs. Le France Bernet, une déco soignée et sans cesse renouvelée pour une expérience toujours aussi inédite. Le France Bernet, route d'Alençon et sur les réseaux sociaux. Les meilleurs tubes reviennent sur Espace dans un instant. La ville de Gisors vous invite à visiter son village de Noël du vendredi 14 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 en centre-ville. Vous y retrouverez son majestueux sapin, ses illuminations, ses chalets en bois proposant leur lot de douceur, de produits régionaux, d'idées de cadeaux, d'artisanat en tout genre. Une patinoire de glace vous invite à patiner en musique, sans oublier la présence du Père Noël. Gala d'ouverture samedi 15 décembre à 18h. Nous vous attendons nombreux. C'est Noël à Gisors. Like a line of a melody, yeah, I heard you tonight. So I'll toast to the times, played out in a cemetery, yeah, I'll toast to the times. Cause I'm falling for every sign, calling out for you, calling out for me, chasing the sounds till I have you by my side. Calling out for you, calling out for me, till we rewind. Be my sad song, got you on repeat. Play my sad song into the night. You'll be my sad song, hardest to believe that my sad song's all that reminds. You got me on the line. Some say love never dies, but a bullet went into me and I lost every fight. One more drink for the ride, put me out of my misery and I'll fall to the fire. Cause I'm falling for every sign, calling out for you, calling out for me, chasing the sounds till I have you by my side. Calling out for you, calling out for me, till we rewind. You'll be my sad song, got you on repeat. Play my sad song into the night. You'll be my sad song, hardest to believe that my sad song's all that reminds. You got me on the line. Okay, if I believe it, cause everywhere I go, somehow you're close to me. You'll be my sad song, got you on repeat, play my sad song into the night. You'll be my sad song, hardest to believe that my sad song's all that reminds. You got me on the line. The future generation is here. On voyage. le jeudi 27 décembre les amis. On a sorti un petit son des tiroirs, hein, c'est clair. Sigala et Easy Love, un énorme carton que j'adore. Merci d'être avec nous les amis. 18h18, profitez bien de votre journée en famille, de vos vacances, de vos fêtes de fin d'année. En tout cas, merci de faire l'écoute d'espace. Ne bougez pas les amis, on parle des heures supplémentaires tout de suite et très très vite de l'autre côté. Je cale Dinoro et Didi D'Acostina pour In My Mind. Espace, les avocats vous conseillent. Bonjour, Anne-Laure Coconnier, avocat. Je vais aujourd'hui vous parler d'un sujet d'actualité, à savoir les heures supplémentaires. En effet, lundi 10 décembre dernier, le chef de l'État a annoncé la défiscalisation des heures supplémentaires réalisées à partir du 1er janvier 2019. Dès lors, se pose la question de savoir quelles heures supplémentaires doivent être payées. Si la question ne pose aucune difficulté s'agissant des heures supplémentaires expressément demandées par l'employeur, il en va différemment lorsque le salarié réalise des heures alors même que son employeur s'y est précédemment opposé ou lorsqu'il n'a pas respecté la procédure d'autorisation préalable. En effet, la réalisation d'heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur. La Cour de cassation en a longtemps déduit qu'elle devait avoir été effectuée avec l'accord au moins implicite de l'employeur pour ouvrir droit à rémunération. La Cour de cassation a affiné sa position en indiquant que les heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées aux salariés devaient être rémunérées. Il arrive toutefois que des employeurs interdisent expressément à leurs salariés de réaliser des heures supplémentaires. Dès lors, se pose la question de savoir si, en ce cas, l'employeur a malgré tout l'obligation de rémunérer les heures réalisées par le salarié. Dans deux arrêts en date du 14 novembre 2018, la Cour de cassation a jugé que les heures de travail réalisées par le salarié et rendues nécessaires par les tâches qui lui avaient été confiées par l'employeur doivent toujours être rémunérées, même si l'employeur n'a pas donné son accord à l'accomplissement de ces heures. À bientôt pour une nouvelle chronique. Retour des tubes. Écoutez ça. We'll be right back. patience, understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them if you got them, cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise a glass or two to all the things I've lost on you. Oh, tell me how they lost on you. Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you, is that lost on you? Oh, oh, is that lost on you? Il est 18h26 sur la plus normande des radios. J'espère que vous allez bien les amis. En Normandie comme en Picardie dans quelques minutes. On fait un point sur l'actu local et régional avec le flash d'Espace. Et voici Ray Lewis and the News, The Power of Love. We'll Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Un corps sans vie recouvert de couvertures et de sacs plastiques a été découvert sous un lit au domicile d'un couple à la Poterie Mathieu, près de Pont-Audemer. Le cadavre était en mauvais état. Le décès remonterait à plusieurs mois. Le corps a été trouvé au domicile d'une femme qui était la curatrice de son frère. Le procureur de la République indique qu'il pourrait s'agir du corps de ce frère. La gendarmerie avait été saisie de la disparition de l'homme grâce à un signalement de la Mutuelle Sociale Agricole informant qu'elle n'avait plus de nouvelles de l'un de ses adhérents depuis août 2017. Une enquête est ouverte et des analyses sont en cours. Selon le syndicat Force ouvrière pénitentiaire, hier matin, à l'occasion d'un changement de cellule, un détenu du quartier disciplinaire de la prison d'Evreux se serait jeté sur l'un des agents en le frappant, brisant ainsi la visière de son casque et le blessant à la tête. Deux agents ont été ainsi blessés. L'un écope de 6 jours d'arrêt de travail, l'autre d'une journée. FO demande plus de moyens pour un fonctionnement normal de cet établissement. En marge du mouvement des Gilets jaunes, sur le rond-point de Saint-Étienne-du-Rouvray, une vache en plastique a disparu et 4 autres ont été dégradées puis retirées par la municipalité. Un jeune Rouennais vient de lancer une cagnotte en ligne pour récolter 12 000 euros afin d'en acheter 5 nouvelles. Une initiative personnelle. Joachim Moïse, le maire communiste qui a déposé plainte d'ailleurs contre ces dégradations, demande au jeune Rouennais de se mettre en relation avec la mairie et estime qu'il est trop tôt pour envisager de remettre du mobilier urbain sur le rond-point des vaches. Par ailleurs, alors que certains gilets jaunes envisagent de passer la Saint-Sylvestre à Paris, à Pont-Audemer, ils appellent à se rassembler demain matin, soit sur le stade de la Papeterie, soit sur le rond-point du Décathlon qu'ils avaient déjà occupé. Conseil municipal extraordinaire ce soir au Neubourg, une séance consécutive au décès le 15 décembre dernier du 3e adjoint au maire, Francis Durand. La législation impose en effet cette réunion du conseil municipal dans les 15 jours suivant la date du décès afin de décider par délibération du maintien du poste d'adjoint au maire et de procéder au remplacement. Et puis l'on part dans le Pays de Bray à présent pour une idée sortie lors de ses vacances scolaires avec le reportage d'Alexandre Lénaud. Le paintball des Anges à Saumont-la-Poterie reste ouvert pendant les vacances d'hiver. Il accueille tous les enfants à partir de 10 ans qui n'ont pas froid aux yeux. Ici, pas encore de boules de neige, mais des billes de couleur. Le terrain de jeu, une parcelle de 35 mètres sur 45 mètres qui promet de belles batailles. Explication de Chantal Camus, directrice du paintball des Anges. On joue sur un terrain que nous avons aménagé, qui comprend un château médiéval et puis des obstacles, des tréteaux, des palissades, des cabanes. À chaque partie, un scénario différent est proposé. Le plus basique, ce sera une équipe de chaque côté. Quand quelqu'un est touché par une bille, il va y avoir élimination et l'équipe qui aura le plus de joueurs sur le terrain en fin de partie aura remporté ce scénario-là. Après, on peut proposer la capture de drapeau, la prise du château. Le parc propose d'autres activités plus adaptées au très jeune public. Parcours acrobranche adapté, des sauts gonflables, du trampoline, un baby-foot humain, laser game en extérieur et du paintball fest. Sur réservation, comptez 30 euros pour le forfait incluant toutes les activités en illimité et 500 billes pour le paintball classique. Le Rouen Métropole Basket accueille Rouen au Kind Arena ce jeudi soir dans le cadre de la 12e journée du championnat de Pro B et puis Évreux se déplace à Paris. Et puis à présent, on fait un point sur les prévisions météo pour demain. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Demain, après dissipation des brouillards givrants en matinée, une couche nuageuse grise devrait prendre toute la place. 3 degrés dans l'après-midi sur Beauvais ou Gisors, 4 degrés sur Les Andelys ou Louviers, 5 sur Gournay-en-Bray et le Neubourg, 6 degrés sur Bernay et Rouen et 8 degrés à Pont-Audemer. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Écoutez, Espace. La plus normande des radios. Il est 18h34, une nouvelle demi-heure de beau son et nouveau tube Jack Jones. Ma belle, c'est Ring Ring sur Espace. Ne bougez plus. If you take me out tonight, I know you can change my mind. Yesterday we were over, but today I'm feeling closer to you. Ring, ring. La plus normande des radios. Yeah, yeah, yeah. C'est quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Et ça ira mieux. La roue va tourner. T'en fais pas petit, ça va s'arranger. Suffit d'attendre encore un peu. Suffit d'y croire, la vie n'est qu'un jeu. Et ça ira mieux, faut te relever. Y'a des hauts, des bas, t'es pas le seul comme ça. Suffit d'attendre encore un peu. Et ça ira mieux. N'écoute pas les gens, marche droit devant. Te retourne pas, y'a rien là-bas. L'avenir est à toi, continue comme ça. Encore une dernière fois, vas-y, écoute-moi. Ça ira mieux, si t'es tombé si bas. C'est pour aller plus loin, accroche-toi à tes rêves. Fais confiance au destin, t'inquiète, à deux on ira très loin, loin. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa. Avance droit, droit, droit. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa. Avance droit, droit, droit. Et ça ira mieux. La roue va tourner, t'en fais pas petit, ça va s'arranger. Suffit d'attendre encore un peu. Suffit d'y croire, la vie n'est qu'un jeu. Et ça ira mieux, faut te relever. Y'a des hauts, des bas, t'es pas le seul comme ça. Suffit d'attendre encore un peu. Les écoute papa papa papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute papa papa papa. Avance droit droit droit. Les écoute papa papa papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute papa papa papa. Avance droit droit droit. Et ça ira mieux. Merci d'écouter Espace les amis, j'espère que vous allez bien et on vous donne rendez-vous demain soir les amis entre 19h et 21h pour l'Open Show, le dernier de l'année. Bien sûr, retrouvez toute l'équipe d'Espace entre 19h et 21h en direct, il y aura pas mal de cadeaux à gagner. Restez à l'écoute d'Espace bien sûr les amis, bougez pas, c'est la pub. On se retrouve très très vite de l'autre côté avec Marshmello et Basti pour Happy Hour, à tout de suite. Henri Couverture, couverture, zingrie et ramonage dans l'agglomération Seine-Eure. Basé à Léry, Adrien Henri et son équipe, un siècle d'existence, quatrième génération d'un service de qualité et de proximité. Entreprise humaine et dynamique, Henri Couverture, la solution près de chez vous. En ce moment, profitez de la saison pour ramoner votre cheminée. Appelez-nous au 02 32 59 14 09 à Léry. Entreprise Seba, béton prêt à l'emploi. Pour les particuliers, artisans et professionnels. Enlèvement sous centrale avec votre camion Ben ou livraison par camion toupie dans un rayon de 45 km. Nous garantissons les prix selon le type de béton et la distance pour un service toujours fidèle à vos attentes. Entreprise Seba, le béton dans votre région. Entreprise Seba, 1940 rue de la République à Radepont. Contactez-nous au 02 32 49 03 72. Seba, le spécialiste béton dans votre région. Monsieur Récup, transport, déménagement, débarras dans toute la Normandie. Devis gratuit, 06 20 10 11 64, www.monsieurrécup.fr. Les meilleurs tubes reviennent dans un instant. Sur Espace. Le comité des fêtes d'Evreux organise son réveillon de la Saint-Sylvestre. Rendez-vous le lundi 31 décembre dès 19h30 à la Halle des Expos pour le grand réveillon du nouvel an d'Evreux. Dégustez un repas de fête et laissez-vous entraîner par les tubes des années 60, 80 à nos jours. Démarrez la nouvelle année dans la bonne humeur. Renseignements, réservation 06 11 03 85 69 et cdfevreux@free.fr. Lundi 31 décembre, venez vous amuser pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Un événement comité des fêtes d'Evreux. Avec Espace, c'est encore mieux. I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but know that means I'll have to leave. Know that means I'll have to leave. Lately I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, know that means I'll have to leave. Know that means I'll have to leave. Lately I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. So I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. En plein cœur d'Évreux, comme partout en Normandie, le son de Marshmello et de Bastille pour Happier. J'espère que vous allez bien, les amis. Il est 18h47, quasiment 48. On marque une courte pause. L'actualité des nouvelles technologies, c'est tout de suite. Et juste après, Marwa Loud et Fallait Pas et le programme télé. Espace. L'info high-tech. L'info high-tech. Salut, parlons de Facebook, une intelligence artificielle qui veut doter 4 milliards de personnes d'une adresse postale. L'intelligence artificielle pourrait permettre de doter 4 milliards de personnes d'une adresse postale, selon des chercheurs de Facebook et du MIT. Ils ont mis au point un algorithme qui analyse les images satellites et étudie la topologie des régions. Le programme extrait des photos, les pixels indiquant l'existence d'une route et reconstitue alors un réseau qui permet de diviser la zone concernée en segments. Les parties les plus denses sont ensuite considérées comme le centre d'une communauté locale. Les axes ou chemins qui s'y rejoignent se voient attribuer un numéro et une lettre en fonction de leur éloignement du centre et de leur orientation. Cette référence peut servir à créer une adresse physique. L'algorithme est parvenu à traiter avec succès 80% des zones testées. Les habitants pourraient ainsi mieux accéder aux services administratifs. Le système pourrait aussi faciliter la livraison des marchandises et des médicaments. Les adresses postales générées grâce à l'intelligence artificielle permettrait aux autorités locales de fournir des infrastructures plus adaptées aux besoins réels des populations. La création présente l'avantage d'attribuer des adresses qui évoquent quelque chose aux gens. Bon, seul problème, on est encore plus pisté. Ça devrait arriver dans les prochaines semaines et bien sûr, vous serez les premiers informés sur l'antenne d'Espace la plus normande et picarde des radios. Si vous aussi, vous connaissez des révolutions high-tech, envoyez un mail, cedric@espace.fm. Pour le moment, on lâche les nouvelles technologies et on repart avec le meilleur des sons et des tubes. plus de toi ici, laisse-les passer leur soirée. Pourtant t'es belle, c'est ballon, t'as mis tes plus beaux talons. Mais ça suffit plus, maintenant ce qu'ils te souhaitent c'est que du malheur. Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le jeudi 27 décembre. Ce soir sur TF1, nous sommes jeudi. Ce n'est pas grave, c'est un film. Ben oui, où sont passées nos séries françaises ? À la trappe comme d'habitude, hein, c'est une comédie française. Débarquement immédiat avec Harry Habitant et Mehdi Sadoun. Il est vendeur à la sauvette, il a piqué les papiers d'un Afghan et du coup il se fait arrêter et expulser de France. De l'autre côté, tu as un flic qui a été viré par sa femme, qui monte en grade et sa première mission qu'on lui confie est de convoyer le gars en Afghanistan. Mais tout ne va pas se passer comme prévu puisque c'est une comédie. France 2, Nadie est en prime toute la soirée, n'oubliez pas les paroles, un inédit en première partie avec que des petits enfants qui viennent chanter, ça va être tout mignon tout plein. C'est l'école des fans, mais avec de vrais musiciens. Ah non, là on n'a pas Pino Latouka au piano. France 3, allez hop, ça va chialer, je vous préviens les gars, hein. Elle va sortir la boîte de mouchoirs et son pyjama en pilou-pilou. Danse avec les loups avec Kevin Costner. Canal, l'ami prodigieuse, une série dramatique italienne en 9 épisodes, alors tu as de belles images, de belles histoires, c'est un peu triste, tu vas sourire aussi. Et même aller de ta petite larmiche de temps en temps, ça se passe en Italie, il y a des tensions dans une famille, des amours, des enfants qui ne sont plus là. Arte, méga classique du cinéma américain qui date de 1959, signé Alfred Hitchcock, le taulier avec Cary Grant, la mort aux trousses, regardez les jeunes, ça vous changera des bouses de télé-réalité que vous regardez à longueur de journée. M6, un film d'animation, Le Petit Prince, on connaît tous ça, bon moi c'est pas celui que je préfère. Le meilleur de la TNT, W9, les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier, c'est présenté par Issa Doumbia, TMC, oh là là là là, ayez une pensée émue pour moi les amis. Si, si, toute la soirée. Le truc que ma femme veut regarder tous les ans et moi je pète un câble. Hein. Mais elle trouve ça trop beau, c'est la magie des fêtes de fin d'année. Help! I need somebody, help! Quelqu'un m'invite à bouffer chez lui ce soir, s'il vous plaît. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Espace. Redécouvrez les tubes de la décennie 90. Espace 90s sur Espace. Il est 18h54, quasiment 55 les amis. J'espère que vous allez bien. Bonne journée tout le monde. Merci d'être à l'écoute d'Espace. En tout cas, j'ai passé une bonne soirée avec vous. C'est terminé pour moi et pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine pour tous ceux qui taffent, bien sûr. Voici Snap, Rhythm is the Dancer. Je vous embrasse très très fort. Rendez-vous demain à partir de 16h. Ciao, ciao. tout le monde, bonsoir. Soyez les bienvenus sur Espace en Normandie. En Picardie, c'est le jeudi 27 décembre. Il est 19h, les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Le djihadiste français Peter Chérif a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels en récidive dans le cadre d'une nouvelle information judiciaire ouverte ce jour. Arrêté le 16 décembre à Djibouti et expulsé samedi vers la France, ce proche des frères Kouachi, auteur de l'attentat de Charlie Hebdo, avait été déféré au parquet dans la nuit en vue de l'exécution d'une peine de 5 ans de prison prononcée à son encontre en 2011 et de cette présentation à un juge d'instruction. Le Quai d'Orsay a réclamé fin juillet la restitution de 2 passeports diplomatiques attribués à Alexandre Benalla dans le cadre de ses fonctions à l'Élysée, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Toute utilisation depuis lors de ces passeports aurait été faite en dépit des engagements pris par l'intéressé, a-t-elle ajouté. À la vue des informations de presse tendant à indiquer qu'Alexandre Benalla aurait continué à utiliser ces documents, le ministère examine les suites à donner, y compris judiciaires. La réaction du ministère des Affaires étrangères intervient alors que Mediapart a révélé qu'Alexandre Benalla aurait utilisé un passeport diplomatique pour voyager dans différents pays africains et en Israël. Alors que beaucoup avaient misé sur son essoufflement, le mouvement des Gilets jaunes a annoncé de nouvelles mobilisations ce week-end dans la nuit du Nouvel An et courant janvier, faute de réponse suffisante du gouvernement à leurs revendications. Selon plusieurs représentants de ce mouvement très divers, de nouvelles manifestations auront lieu samedi. Des rassemblements et blocages ont ainsi été annoncés dans les régions de Rennes, Marseille et Bordeaux et évidemment à Paris. Le cannabis thérapeutique pourrait être bientôt testé en France. L'agence du médicament souhaite une expérimentation avant la fin de l'année 2019, selon un communiqué publié aujourd'hui, 2 semaines après l'avis positif d'un comité d'experts qu'elle avait mis sur pied. Ce comité avait jugé pertinent d'autoriser l'usage du cannabis à visée thérapeutique dans certaines situations cliniques et en cas de soulagement insuffisant et d'une mauvaise tolérance des traitements existants. Enfin, la comédie de M6, Scène de ménage, a été désignée série française préférée du public dans le sondage annuel réalisé par Opinion pour TV Magazine, mise en ligne aujourd'hui. Selon le site de l'hebdomadaire, la série de M6 a été mise en avant par 17% des personnes interrogées devant la série policière de France 3, Capitaine Marlowe et Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, diffusée sur France 2. Sur la plus normande des radios, Dorian. Comme d'hab, une nouvelle journée de travail s'achève et on se détend maintenant dans l'afterwork. Espace, plus de son, plus de tubes. Déjà le dernier after work de la semaine, demain c'est l'open show et ça commence avec Sound of Legend dans le Zatse Garden. Bonne soirée.

nouveau. C'est nouveau. Mais pas un seul que je regrette. Des fous rires chaque fois que se croisent nos regards. Des journées à se raconter toutes nos histoires. Et même si le temps passe, tu n'es jamais loin de moi. Ça passe ou ça casse, nous deux c'est bien plus que ça. Jamais sans toi, I'm happy to have you in my. Avec toi tout est plus facile. Y'a des hauts, y'a des bas, mais surtout il y a toi. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tu seras toujours là. Et même si le temps passe, tu n'es jamais loin de moi. Ça passe ou ça casse, nous deux c'est bien plus que ça. Jamais sans toi, I'm happy to have you in my. Angelina, jamais sans toi sur Espace en Normandie, en Picardie, dans l'afterwork du jeudi soir. Passez une très belle soirée et rencard du côté de Rouen pour Rouen-Givré jusqu'au 6 janvier. Ça se passe sur la place de la cathédrale, dans la rue des Carmes, place de la Grand-Mare et dans plein d'autres endroits. Déjà 19h19. Encore une fois, bonne fête à tous. Le Père Noël Espace sera de retour dès demain à 19h pour vous offrir plein de cadeaux en direct. Mais pour l'instant, à 19h19, on réécoute Thierry de Saint-Martin-du-Tilleul. Allô ? Allô, bonjour, comment ça va ? Ça va, ça va. Normalement, je suis à Saint-Martin-du-Tilleul, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. C'est où ça, Saint-Martin-du-Tilleul ? À 10 km de Bernay et à 30 km des Vosges. D'accord, donc c'est plutôt genre Bernay quand même. Ouais, c'est ça, ouais, c'est à côté de Bernay. Ouais. D'accord. Ouais. Ton prénom, c'est Thierry, c'est ça ? Oui, c'est ça, Thierry. Oui. Bon, ça va, mon Thierry ? Bah, ça va, en tournée, ça va. Tu bosses à cette heure-ci ? Ouais, ouais, je suis facteur, donc. Et le facteur, en bossant, il écoute la radio dans la voiture jaune. C'est ça. D'accord. C'est ça. D'accord. Et il a du boulot aussi, mais en mode un peu lutin du Père Noël, le facteur, parce que je pense qu'il a plein de trucs à distribuer aussi, non, avec la poste. Ouais, beaucoup de colis, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Bon, mais je crois que d'abord, je me suis fait repérer, mais c'est pas grave, puisque je sens dans ton sourire que tu sais parfaitement qui t'appelle, mais j'ai la question à te poser, oui, quand même pour gagner. Qui t'appelle en mode radio ? Ludo, ce Radio Espace. Eh bien écoute, garçon, c'est gagné. Tu as quel âge ? 38 ans. Est-ce que tu as des enfants ? Oui, deux enfants. Quel âge ? 8 ans et 4 ans. Je sens ton clignotant là, il n'y a pas le clignotant qui est en train de marcher ? Oui, c'est bon, je j'entends le clignotant de la voiture de la poste, tic-tac, tic-tac. C'est bon, j'ai tout éteint. Bon, ben, cadeau pour les deux enfants, on va faire ça comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Parfait, c'est très bien. Merci Radio Espace. Ben, grand plaisir. Alors, pour Paul, 8 ans, je lui offre un super casque audio haute définition Bluetooth rouge, couleur espace bien sûr, avec une enceinte connectée, c'est pareil, couleur rouge et blanche, au code couleur de la radio. Donc là, carrément, ouais. Le pack complet, l'enceinte connectée et le casque audio. Ah, ben, vous êtes content. Et puis pour ta fille, pour la puce qui s'appelle Sarah, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, je vais lui offrir un truc que je ne connaissais pas. C'est le Père Noël d'espace qui l'a ramené. C'est Mini de Disney, évidemment, qui génère plein de choses. En fait, mais il est énorme comme cadeau. Genre, il fait à peu près 80 cm. C'est une peluche, mais une peluche connectée. Ah oui, ah, ouais, carrément. 5 expressions de jeu, 11 activités de jeu, 8 capteurs. Et Mini, elle réagit à plus de 100 réactions différentes. Donc, c'est un super beau jouet. Ah, genre... ouais. Ah bah, elle adore les peluches. Elle adore Mini, donc elle va être contente. Écoute, c'est nickel chrome. Alors là, pour le coup, ah, c'est parfait. Ça tombe vachement bien. Ouais. Tu veux dire bonjour à quelqu'un vite fait avant de raccrocher? Ah, bonjour à ma femme, c'est son anniversaire aujourd'hui, qui prend 36 ans. C'est vrai, sérieux? Oui, sérieux. Ah, je peux pas te laisser en sachant ça, j'ai offert deux cadeaux aux enfants, mais c'est pour le Père Noël, mais pour son anniversaire. Qu'est-ce qui me reste en stock, tic-tac, tic-tac? Est-ce que vous avez une tour de son à la maison? Non. C'est cadeau pour l'anniversaire de ta femme. Ah, merci, ah, bah, c'est une surprise. En plus des enfants, je vous offre pour la maison et pour l'anniversaire de ta femme qui s'appelle comment? Aurélie, tour de son pour toi. Je sais pas si elle écoute en ce moment, mais elle est contente. Elle va être surprise déjà. Là, le coup de l'anniversaire, je ne l'ai pas vu venir. Bah non. Écoute, ça tombe très très bien. Ah donc, bah ça tombe bien, oui. Bon, 4 cadeaux puisqu'il y a le casque audio, l'enceinte connectée, ouais, pour ton fiston, Mini qui réagit en mode peluche interactive et la tour de son à mettre à la maison. Bon, mais mon Thierry, je, parfait, vous souhaite à toutes et tous dans la famille de très belles fêtes de fin d'année. Merci, merci, bah, à vous aussi. Merci en tous les cas d'écouter Espace dans la poste mobile. C'est ça. Salut mon Thierry, bonne, merci, journée. Merci, bon week-end. Ciao, au revoir. Salut. 17h-19h, Ludo à la radio. Espace. We can hear it calling to our hearts. Something loud and clear, begging us to run. We don't need no home, we don't need no room. Just the ocean's roar, and the wind will do. So let's get out of here, let us see what's there. Yeah, let's get out of here. Light another fire, let us sing. Till the sun comes up, till the sun comes up. Till the sun comes up. Oh, feeling warm, so let us swim. Till the sun comes up. Till the sun comes up. There's no stopping. you mess around with your man. It's a shame the way you hurt me. It's a shame the way you mess around with your man. I'm sitting all alone by the telephone, waiting for your call, but you don't call it all. It's a sunny day, but you play with love and then you throw it away. Why do you use me, try to confuse me? How can you stand to be so cruel? Why don't you free me, free from this prison where I serve my time as your fool? It's a shame the way you mess around with your man. It's a shame the way you hurt me. It's a shame the way you mess around with your man. I try and stay with you, show your love so true, but you won't appreciate the love we try to make. It's a where I serve my time as your fool. It's a shame when you mess around with your man. It's a shame when you hurt me. It's a shame when you mess around with your man. It's a shame when you hurt me. It's a shame. Dans la prog espace, We Are Gold avec It's a Shame. Et on est déjà tous en kiff dans le studio. Passez une très belle soirée et laissez nous vos messages comme d'hab. 0 950 35 50 50. Déjà 19h28. Les meilleurs souvenirs sont forcément sur Espace. Et n'oubliez pas, rendez-vous demain soir 19h-21h en direct pour l'open show spécial fête de fin d'année. Voici FR David Awards en mode souvenir dans l'Afterwork. FR David Awards dans l'Afterwork sur Espace. Passez une bonne soirée, faites gaffe à vous sur les routes. Et lundi soir, réveillon du jour de l'an oblige, Espace sera aux platines du côté d'Evreux à la Halle des Expositions. Vous retrouverez Cédric, Ludo et Morgane. 19h30, l'actu locale et régionale avec la rédac.

revient juste après ça. Ça, Eva Guesson s'est manqué sur Espace dans l'Afterwork en Normandie, en Picardie. Bonne soirée et rancard jusqu'à lundi à Beauvais pour le marché de Noël. 19h41, la pub avant Caïgo et Sandro Cavazza, à tout de suite. Écoute ça. Écoute ça. C'est frais. C'est frais. Écoute. Votre magasin de running Foulée Georgie à Louviers change de propriétaire et rénove tout. Jusqu'au 7 janvier, liquidation totale avant travaux. Profitez de remises jusqu'à moins 60%. C'est le moment pour profiter du meilleur du running à Louviers. Foulée Georgie, 1 rue du Docteur Postel. Goûter saveur, vente de thé en vrac, palais d'été, épicerie fine, épices, tartinables, soupes, confitures. Venez déguster nos produits français et normands. Ouverture du mardi au dimanche midi, 9h30, 13h, 14h, 19h, 36, rue du Général de Gaulle, Louviers. Vous voulez rénover, agrandir? Vous êtes à la recherche d'une entreprise sérieuse qui gère vos travaux de A à Z? L'entreprise Vignon est là pour vous. Depuis 1979, nos équipes savent répondre à vos besoins. Nos couvreurs réalisent tout type de couverture. Nos menuisiers, charpentiers et maçons sont également présents pour répondre à vos attentes. N'hésitez pas, contactez-nous au 02 32 49 72 72. Cette année avec Volvo, c'est Noël suédois avant l'heure. Jusqu'au 31 décembre, la Volvo V40 suréquipée est à 295€ par mois sans apport. Location longue durée 48 mois pour une V40 signature édition 9, 40 000 km, entretien et garantie offert. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre 2018, si accord Volvo Car Finance. Détails sur volvocars.fr. Volvo, JFC Normandie, rond-point de KR à Normanville. Retour des meilleurs tubes. Dans quelques secondes. Sur Espace. Le comité des fêtes d'Evreux organise son réveillon de la Saint-Sylvestre. Rendez-vous le lundi 31 décembre dès 19h30 à la Halle des Expos pour le grand réveillon du nouvel an d'Evreux. Dégustez un repas de fête et laissez-vous entraîner par les tubes des années 60, 80 à nos jours. Démarrez la nouvelle année dans la bonne humeur. Are you ready? Renseignements, réservation 06 11 03 85 69 et cdfevreux@free.fr. Lundi 31 décembre, venez vous amuser pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Un événement comité des fêtes d'Evreux. Avec Espace, c'est encore mieux. Maintenant. Espace Vallée de l'Andelle 106.4. Espace Radio. Priorité au tube. Just a matter of minutes before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know you know that we should've known better, but kept on trying. And it's time that we see it, the fire's dying out. Can't believe that I see this, we're out of chances now. And I just want you to know that you and me, it was good. Just held on, but it's really crazy how love could fade so fast. We said forever, but now we're in the past. And I just want you to know that you and me, it was good, but it wasn't right. And it'd be hard, but I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. So I'll go. I will go. So I'll go. I will go. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. Marshmallow, Bastille, Happier sur la plus normande et picarde des radios. J'espère que vous passez une très belle soirée. Merci de nous avoir choisi. Bon courage à ceux qui taffent ce soir et cette nuit. Et puis notez que le 5 janvier, vous avez rendez-vous aux Andelys pour la clôture de la patinoire de Noël. Le tout avec un énorme spectacle que l'on vous prépare en coulisses. Soyez là, ça s'annonce énormissime. Déjà 19h51, on réécoute Ludo Daubevoix qui a remporté son cadeau avec le Père Noël Espace. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Là, je parle à Captain Spock. Je suis à bord d'un vaisseau spatial. Il y a un bruit bizarre derrière. Oui, parce que je suis en camion. D'accord. Et le camion en Bluetooth, bien sûr, au téléphone. Ah, bien sûr, absolument. D'accord. Bonjour, cher ami Ludo. J'ai même pas besoin de poser la question, ça y est, c'est mort. Qui t'appelle en mode radio? Forcément, la réponse est... Ludo, Radio Espace. En plus, t'es un mec bien parce que t'as le même prénom que moi, donc forcément, t'es un mec bien. Ah bah oui, un Ludo pour en cacher un autre. Bon, mais mon Ludo, je suis ravi de t'appeler au nom du Père Noël d'Espace, puisque t'as été tiré au sort ce matin parmi 52 demandes arrivées samedi et dimanche au 0 950 35 50 50. D'accord, bah super. Content pour moi. Bah écoute, oui, mais en même temps, tu vas être un peu déçu parce que d'après mes infos, t'as un fiston, je crois. Ah, t'es bien au courant quand même, hein. On a une équipe qui travaille et on m'a dit que t'avais un fiston. C'est le Père Noël qui est au courant. Oui, c'est la Mère Noël et ses lutins qui bossent comme des malades, voilà, quasiment H24 en ce moment. Comment s'appelle ton fiston, justement? Enzo. Enzo, il a quel âge, Enzo? 9 ans. Alors, le Père Noël espace pour Enzo et le papa, lui, continuera à bosser pour ses cadeaux du Père Noël, tant pis pour lui. Mais Enzo, lui, il repart avec un super drone. Oh, super sympa de votre part, alors. Ça va lui plaire, ça, le drone? Absolument. Il en rêve depuis un moment, donc il va être ravi avec le drone. Le Père Noël espace à gérer, alors. Et à connecter, oui, sur son smartphone. Il a un smartphone, ce garçon, ou pas encore? Bah oui, je pense bien. Hein. Ah, bah oui, forcément, oui. Donc tout ça est connectable. Il va pouvoir, bon, pas trop mater chez les voisins quand même, hein, parce qu'avec le drone, il faut faire attention. Surtout la voisine. C'est sûr, c'est sûr. Bon. Je rappelle que c'est interdit, le papa, d'utiliser le drone pour aller mater la voisine l'été. Hein. Ah bon, j'ai pas le droit. Tu vas te faire attraper par ta femme, ça, à mon avis, ça va. Je crois bien. Ok, mon Ludo, mais justement, tu veux dire bonjour à quelqu'un puisque t'es en direct à la radio. Bonjour à toute ma famille qui m'écoute et puis grand-mère à Radio Espace. Le cadeau, tu viens le récupérer quand tu veux à la radio avec ton fiston. Ok, ça marche, pas de soucis, Ludo. Passe une bonne journée et sois prudent sur la route. Il n'y a pas de soucis. Et joyeuse fête à toute la famille. Eh ben, toi de même. Salut Ludo. Salut Ludo. Salut. 17h, 19h. Ludo à la radio. Espace. Moi je aimerais canter la vida à la muerte. Ouais, un vrai hombre, Pablo Escobar. Si tu rentres dans ma tête, tu vas pas assumer. J'ai les idées perchées, les idées noires. Je suis parano dans l'âme, je sais pas m'arrêter. Cherche les embrouilles jusqu'à fatiguer. Si t'as pas les épaules, faut pas. Je veux un nègre qui me tienne tête comme un combi. Sinon, je vais trop flamber. Je veux un bandit qui me dit mi amore. Casse pas la tête avec des phrases qui m'endorment. Je veux un bad boy qui sache comment me manœuvrer. Sinon, je vais trop flamber. On voit des choses et fais-moi rêver. Parle-moi français, parle pas thaïlandais. Si je coupe la wifi, t'as tout gagné. Hugues et Megusta sur Espace dans l'afterwork du côté des Amblis, des Trépaniers ou encore d'Evreux, où le comité des fêtes vous attend lundi soir pour fêter la nouvelle année tous ensemble. Ça se passe à la halle des expositions et vous pouvez toujours réserver. Il est 19h56 et sur les réseaux sociaux demain soir, on vous mettra plein de photos de notre émission L'Open Show. Ce sera en direct entre 19h et 21h. Voici David Leroy pour la proctédé de ce jeudi soir. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le jeudi 27 décembre. Ce soir sur TF1, nous sommes jeudi. Ce n'est pas grave, c'est un film. Ben oui, où sont passées nos séries françaises? À la trappe comme d'habitude, hein, c'est une comédie française. Débarquement immédiat avec Harry Habitant et Mehdi Sadoun. Il est vendeur à la sauvette, il a piqué les papiers d'un Afghan et du coup il se fait arrêter et expulser de France. De l'autre côté, tu as un flic qui a été viré par sa femme, qui monte en grade et sa première mission qu'on lui confie est de convoyer le gars en Afghanistan. Mais tout ne va pas se passer comme